Et pour ceux d'entre vous qui sont jeunes, âgés, c'est de 1994. It's the movie called Speed. C'est un film qui s'appelle Speed. And it's about a bus that's going to explode if it goes slower than 50 miles per hour. Et c'est l'histoire donc d'un bus qui explose si jamais il passe sous une certaine vitesse de 75 km/h. Okay, so let's watch the scene. Qui c'est qui a senti une certaine tension là, en regardant ça? The music, the acting, the camera angles are created to make you feel anxious. La musique, le jeu d'acteur, les angles des caméras, tout est fait pour vous rendre anxieux pendant cette scène. I have struggled with anxiety my whole life. Et moi j'ai souffert d'anxiété toute ma vie. And I've been to therapy for it. Et j'ai vu que. I've been to therapy for Pardon. Et je suis même allé en thérapie pour ça. I've imagined many movie scenes. Et j'ai imaginé dans ma tête beaucoup de scènes de films aussi. Of my death. De ma propre mort. My children living without a mother. Que mes enfants vivent sans leur mère. I've imagined these movie scenes. Et j'ai imaginé ces scènes de films. Of conversations of conflict with someone. Avoir des conversations conflictuelles avec quelqu'un. What I'll say, what they'll say. Que de ce que je dis, de ce qu'il dit. The monologue that I will deliver in my defense. De ce que je pourrais dire pour prendre ma défense. How the relationship will turn out in the end. Et comment cette relation pourrait même se terminer. Have you ever imagined these movie scenes in your mind? Est-ce que vous avez imaginé ce genre de scène de film dans votre tête? Like in this movie. Are you going to make it? Comme dans ce film, est-ce que vous allez y arriver? Are you going to make it in your job? Est-ce que vous allez y arriver dans votre travail? Oh, the laughs are making me feel like I'm speaking to you. Are you going to make it in your studies? Est-ce que vous allez y arriver dans vos études? Are you going to make it in your marriage? Est-ce que vous allez y arriver dans votre mariage? Does your situation feel like that broken bridge? Est-ce que votre situation, votre vie personnelle, semble comme ce pont qui est brisé à un moment? Are you asking yourself, am I going to survive? Et vous vous dites, est-ce que je vais survivre à ça? Is your situation possibly going to put others in danger? Est-ce que votre situation fait que ça va mettre les autres en danger? Or do you feel like, am I going to be able to just stop and find rest and peace? Ou vous vous dites, est-ce que je vais arriver quand même à un moment donné à stopper et à enfin trouver le repos, la paix? Because I'm going at 50 kilometers an hour and more. Parce que je vais toujours à 50 km/h et sans m'arrêter. And I think there can be a temptation to say no, not me, I'm not anxious. Et on peut être dans une tentation qui dit non, moi ça va, je suis pas quelqu'un anxieux. But I think if we're honest with ourselves, we all feel anxiety. Et je pense que si à un moment donné on est honnête avec nous-mêmes, on ressent tous plus ou moins de l'anxiété. For different things or for different situations. Pour différentes choses dans différentes situations. Apparently, the Bible says, "Do not worry" 365 times. Apparemment, dans la Bible, il est écrit, "Ne t'inquiète pas" 365 fois. I don't know who wants to check that out. Je ne sais pas qui peut vérifier ça. But that's one "Do not worry" for every day of the year. Mais ça représente un "Ne t'inquiète pas" par jour. God is always calming our fears. Dieu est toujours, toujours là. How do you think and how do you feel when you're not in control? À quoi tu penses et comment tu te sens quand tu n'es pas en contrôle dans une situation? Or when there is conflict in your life. Ou qu'il y a du conflit dans ta vie. Or about the political situation in our country. Ou par rapport à la situation politique de notre pays en ce moment. Or perhaps when your children are not with you. Et peut-être parce que tes enfants sont pas là en ce moment avec toi. Or how do you feel knowing that people talk about you and could judge you? Et comment tu te sens quand tu penses que les gens peuvent parler de toi et te juger? What about getting cancer or dying? Qu'est-ce que tu penses à l'idée d'avoir le cancer, de mourir? Or climate change? Le changement climatique? The possibility of losing your job? La possibilité de quitter ton travail? Or being alone and married? Ou de rester seul sans être marié? We all feel anxiety. On ressent tous une certaine anxiété. But sometimes we're not aware of it. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. See, I used to think that my anxiety was normal. Vous voyez, moi, je croyais que mon anxiété était quelque chose de normal. I thought it was my personality and because I lived in Johannesburg in South Africa. Et je pensais que ça tenait à ma personnalité aussi parce que je vivais à Johannesburg, en Afrique du Sud. Which is a dangerous city. C'est une ville assez dangereuse. But God revealed it to me as sin. Mais Dieu m'a révélé ça comme étant vraiment un péché. You see, God did create me as cautious. Dieu m'a créé comme quelqu'un de prudent. And conscientious. Consciencieuse. Protective and aware. Protectrice, et attentive. Someone who likes to plan. Quelqu'un qui aime bien planifier les choses. But he didn't create me anxious. Mais il m'a pas créé anxieuse. There is anxiety that can lead that is good and can lead you to do what is right. Il peut y avoir une certaine forme d'anxiété qui est bonne et qui nous conduit à faire des choses qui sont justes. To perform your responsibility. Pour prendre en main nos responsabilités. So if you're in a dangerous situation, the anxiety will help you get out of it. Par exemple, dans une situation dangereuse, l'anxiété va faire en sorte que tu vas avoir l'énergie d'en sortir. Or like in the movie, the anxiety allows him to take the necessary risks for survival. Ou là, dans ce film, leur anxiété leur donne de faire les bons choix pour survivre à la situation. But then there is anxiety that is sinful. Mais il y a une autre forme d'anxiété qui, en fait, représente un péché. And sinful anxiety is like a movie. Et cette anxiété qui est un péché est comme ce film, en fait. It's like what you're feeling is like watching the movie and feeling like it's real. Ça veut dire que tu regardes ta vie comme ce film et tu as l'impression que c'est vrai. It's you see something happening and now you're going to prepare for the worst. Et tu vois quelque chose qui se prépare et tu te prépares tout de suite au pire. You're out of control, so you control it in your mind. Comme tu n'es pas en contrôle de la situation, tu contrôles ce qui se passe dans ta tête. So sinful anxiety is like being the director of a movie. Donc l'anxiété comme un péché, c'est comme être le réalisateur de notre propre film. In your mind, you direct the conversation and what's going to happen. Dans ton esprit, tu prends le contrôle de la conversation que tu redoutes et tu vois ce qui se passe. But actually, your anxiety is not real. Mais en fait, ton anxiété, elle n'est pas vraie. It's like a movie. C'est comme un film. It's just a made-up story. C'est juste une histoire inventée. Anxiety is worrying and fearing about things that are out of your control. L'anxiété, c'est avoir peur et s'inquiéter de choses qui échappent à ton contrôle. And meditating on it. Et de méditer là-dessus. Constantly thinking about it. Tout le temps y penser, constamment. And then because of that, you make decisions and plans because of what you're thinking. Et à cause de ça, de ce que tu penses, tu prends des décisions et tu fais des plans. But anxiety is not something based on fairy tales. Mais l'anxiété, c'est pas quelque chose qui doit être basé sur des contes de fées. What's making you anxiety and anxious is actually based on some truth. Parce que ce qui te rend anxieux, c'est quand même quelque chose qui est basé quand même sur certaines choses qui sont vraies. For example, people will judge you. Par exemple, il y a des gens qui vont te juger. People are anxious of what others think. Et certains sont anxieux par rapport à ce que pensent les gens d'eux. The truth is the earth is heating. La vérité, c'est que... It is heating up the earth. La Terre, global warming. Ah, pardon, oui, la Terre, la vérité, c'est que la Terre se réchauffe, c'est une réalité. You will be in conflict with those people you love. Et tu vas avoir aussi des conflits avec les gens que tu aimes. You could get sick even if you're healthy. Et même si tu as des habitudes de vie assez saines, tu peux tomber malade. Your children might not grow up to be believers. Et peut-être que tes enfants vont grandir sans être croyants. It's probable. C'est probable. And the biggest, scariest truth is that being a Christian doesn't guarantee that your life will be easy. Et la plus grande des peurs, c'est que même en tant que chrétien, on ne peut pas avoir la garantie qu'on va vivre une vie facile. So you can agree that anxiety is based on some truth. Donc on est d'accord que l'anxiété est quand même basée sur des choses qui sont probablement vraies. It's not silly. C'est pas stupide. So then how can it be sinful? Alors comment ça peut être un péché? It's sinful. C'est un péché. Because God is not sovereign in what you are thinking. Parce que Dieu n'est pas souverain dans tes pensées. He is not in control of what you're anxious about. Il n'est pas en contrôle de ce pourquoi tu es anxieux. That's why you're anxious. C'est pour ça que tu es anxieux. God is not there and his grace is not there. Dieu n'est pas là dans tes pensées et sa grâce n'y est pas non plus. And he's not there because that's not truth. Et il n'est pas là parce que ça n'est pas la vérité. God is truth. Alors que Dieu est la vérité. It's a sinful human thing to think that we can control everything and others. C'est quelque chose d'humain et qui apporte un péché de croire qu'on peut contrôler les choses et les gens. Last week, Evan preached about God's story and our story. La semaine dernière, Evan a prêché sur l'histoire de Dieu et notre histoire. And how our story must align with God's story. Et comment notre histoire doit s'aligner avec l'histoire de Dieu. And that we must stop taking the pen away from him. Donc des fois, on doit arrêter de lui prendre le stylo pour écrire notre histoire. We need to live in God's plan. On a besoin de vivre dans le plan de Dieu. So that's easy to preach about. Donc ça, c'est facile de prêcher sur ça. But it's not easy to apply to our lives. Et c'est pas facile de l'appliquer à nos propres vies. And there are many, many tools that you can use to help with anxiety. Et il existe plein d'outils que tu peux utiliser pour gérer cette anxiété. And I apply many of them to my life. Et j'en ai utilisé moi-même plein dans ma vie. But there's one thing that is 100% effective. Mais il y a vraiment une chose qui est efficace à 100%. And I'm preaching from experience. Et je prêche vraiment de mon expérience. And it's from Philippians 4, verse 4 to 8. Et c'est dans Philippiens 4, chapitre 4, verset 4 à 8. This is a therapy session that keeps on giving. Donc là, c'est vraiment une session de thérapie par rapport à l'anxiété. It's life changing. Et ça change vraiment la vie. Okay. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Je suis en français. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. So Paul says in verse 6. Donc Paul dit dans le verset 6, Do not be anxious about anything. Ne soyez anxieux à propos de rien. I mean, this is the worst thing you can say to someone who's feeling anxious. Ça, c'est la pire des choses à dire à quelqu'un qui est anxieux. And I say this from experience. Et ça, je le voulais par expérience. Don't worry, it will be fine. Non, t'inquiète, ça va bien se passer. It brings absolutely no comfort. Ça n'apporte absolument aucune aide. Because, like I said, anxiety is based on something that feels real and true. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'anxiété est basée sur quelque chose qui paraît vraiment là, présent et vrai. So who do you think you are telling me not to worry? Donc c'est qui toi pour me dire de pas m'inquiéter? What power or authority do you have to say that it will be fine? Quel pouvoir, quelle autorité tu as pour me dire à moi de pas m'inquiéter? How do you know? Comment tu sais? This is how I react to my parents. Donc ça c'est ma réaction que j'avais avec mes parents d'ailleurs. How can Paul say don't worry about anything? Comment Paul peut dire ça, ne vous inquiétez de rien? He's not God. Il n'est pas Dieu. He cannot take control. Il ne peut pas avoir le contrôle. He can't fix your financial problems. Il ne peut pas régler tes problèmes financiers. He can't heal you. Il ne peut pas te guérir. He can't find you the perfect partner. Il ne peut pas te trouver le partenaire parfait. He can't provide for your needs. Il ne peut pas pourvoir à tes besoins. He can't ensure that my children will be believers. Il ne peut pas t'assurer que tes enfants seront croyants plus tard. He can't protect me. Il ne peut pas me protéger. He can't change the political situation in our country. Il peut rien faire par rapport à la situation politique de notre pays. The only time do not worry brings peace. Mais à chaque fois qu'il dit de ne pas s'inquiéter, ça apporte la paix. So the only time that it will bring peace. Oh, la seule fois, pardon, excuse-moi, la seule fois où ça va vraiment apporter une vraie paix. Is if someone with authority and power says it. C'est quand quelqu'un avec le pouvoir et l'autorité vous le dit. So if the doctor says, don't worry, you're fine. Donc quand le docteur te dit, ne t'inquiète pas, tu vas très bien. Well, then you don't need to be anxious. Donc tu n'es pas anxieux. If your boss says, I'm not going to fire you, here's your paycheck. Si ton patron te dit, je ne vais pas te licencier, voilà ton salaire. You can breathe, you don't have to worry about your finances. Tu peux respirer, tu n'as pas à te soucier de ton situation financière. So when Paul wrote this, donc quand Paul a écrit ceci, he was in prison. Il était en prison. And the church was being persecuted. Et l'église était persécutée. In difficulty. En difficulté. Yet he could tell them not to be anxious about anything. Et pourtant, il pouvait dire aux Corinthiens de ne s'inquiéter de rien. Because of the most important verse in this whole scripture. Parce que le verset le plus important de tout ce passage. It's verse 5. C'est le verset 5. The Lord is near. Le Seigneur est proche. The Lord is near. Le Seigneur est proche. I'm going to say it again. The Lord is near. Laissez-moi le dire encore. Le Seigneur est proche. The Lord who made all creation. Le Seigneur qui a fait toute la création. Who made you. Qui t'a fait. Who made plans for your life. Qui a des plans pour ta vie. Who loves you. Qui t'aime. Who gave his son for you. Qui a donné son fils pour toi. Who provides all your needs. Qui a pourvu à tes besoins. He has been faithful every time. Il a tout le temps été fidèle. He is near. Il est proche. The Lord is near. Le Seigneur est proche. If a doctor can bring peace to an anxious heart. Si le docteur peut donner de la paix à un cœur anxieux. If a boss can bring peace to a heart anxious about finances. Si un patron peut te donner la paix par rapport à ta situation financière. How much more can God Almighty bring peace to a heart that is anxious about many things? Alors, à combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant peut amener vraiment de la paix à ton cœur? So this is the first step in our lives, is to accept that God is in control. Donc ça, c'est la première étape pour nos vies, c'est vraiment d'accepter que Dieu est en contrôle. To believe that He loves you. Et de croire que Dieu t'aime. And so you don't need to worry. Et que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Like watching a movie and knowing the ending, and so you can just sit there with peace. C'est comme quand tu vois un film et tu connais déjà la fin, tu peux juste t'asseoir et apprécier être dans la paix. Jesus has already won. Jésus a déjà gagné. And if we believe in Him, we will be with Him for eternity. Et si on croit à lui, on sera prêt avec lui pour l'éternité. Like Phil said, we are just ambassadors and sojourners on this earth. Comme Phil l'a prêché il y a quelques semaines, on est juste des passagers sur cette terre, des ambassadeurs du royaume. And heaven is our home. Et c'est le paradis, notre maison. This is how Jesus helped his disciples when they were anxious. Et c'est ça que Jésus disait à ses disciples quand ils étaient anxieux. He said to them, look at the birds and look at the flowers. Il leur disait, regardez les oiseaux, regardez les fleurs. Look how God provides for them. regardez comment Dieu pourvoit pour eux. How much more will he provide for you? Alors, à combien de plus fortes raisons il va pourvoir pour vos besoins? He loves you more than them. Parce qu'il vous aime plus que les oiseaux et les fleurs. That's why you don't need to be anxious. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'être anxieux. Being anxious won't add anything to your life. Parce qu'être anxieux, en vrai, ne va rien ajouter à votre vie. You see, Jesus was doing what psychologists try and do. Vous savez, Jésus faisait un peu ce que des psychologues peuvent faire aussi. Which is, shows that Jesus' way is perfect. Il montrait que ses voies étaient parfaites. Jesus was walking them through their anxiety logically. Et Jésus les accompagnait de façon logique dans leur propre anxiété. He didn't just say, oh, don't worry, you have little faith. Il leur disait pas, mais t'inquiète pas, genre de peu de foi. Creation is all around us, showing us God's glory. Et la création est là tout autour de nous pour nous montrer la gloire de Dieu. Creation is preaching to us about God's power. La création nous prêche à nous la puissance de Dieu. So I want to encourage you this week to switch off your music. Donc je vous encourage cette semaine à éteindre un peu la musique. Switch off your podcast. Éteindre les podcasts. Take those things out of your ears. Enlever les AirPods. And observe creation. Et juste d'aller dans la nature et d'observer la création. And let it reveal God to you. Et laissez-la vous révéler Dieu. And then Paul says in verse 6. Je ne sais pas quoi le langage. Et ensuite Paul dit dans le verset 6. In verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, present your requests to God. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Prayer is 100% effective in helping you with anxiety. La prière, c'est quelque chose qui va être 100% efficace pour vous aider dans l'anxiété. And I'm going to tell you why. Et je vais vous expliquer pourquoi. Because anxiety is like a stomach bug. Parce que l'anxiété, c'est comme un mal de ventre. You can't say no, I don't have a stomach bug. No, no. Vous pouvez pas dire non, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas de malaise. You don't say no, I'm going to ignore that anxiety. Non, vous pouvez pas dire non, j'ignore ça, je vais ignorer ça complètement. No, if you've got it, you need to expel it. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse dans le ventre, qui ne passe pas, vous devez l'évacuer. Because if you don't, it will make you sicker. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous rendre encore plus malade. If you don't let out your anxiety through prayer, si vous ne laissez pas sortir votre anxiété par la prière, it's going to try and come out another way. Ça va sortir d'une autre façon. It will make you sick. Ça va vous rendre malade. Nightmares. Des cauchemars. No sleep. Des insomnies. Anger and irritation. De la colère, de l'irritation. Might lead you to be addicted to something. Ça pourrait même vous conduire à être addict à quelque chose. It could ruin your relationships. Ça pourrait même ruiner une relation. Because it's trying to come out. Parce que ça cherche à sortir. So the world has given us psychologists so that we can talk about it. Et c'est pour ça que le monde nous propose des psychologues pour en parler, pour le faire sortir. And I believe in psychologists. Et je crois dans les psychologues. So when you talk about your anxiety, donc quand vous sortez cette anxiété, you take it out of the dark place in your mind and your heart, et vous le sortez d'un endroit sombre de votre pensée, de votre cœur, and you put it in the light, et vous le mettez à la lumière, and then you see, you go, oh, this is true, I'll keep that. Et à la lumière, vous vous rendez compte que, ok, là, il y a une part de vrai, ça c'est gardé. And this is false, I'll reject that. Et la partie fausse, par contre, je vais la rejeter. And then you are able to think logically. Et après ça, vous commencez à être capable de penser logiquement. Anxiety has to come out in words. L'anxiété doit vraiment sortir avec des mots. And seeing a therapist is a good thing. Et voir un thérapeute, c'est une bonne chose. But the best thing is it coming out in words of prayer. Et la meilleure chose encore, c'est de le laisser sortir sous forme de prière. And I've spoken to many anxious people who feel like if they say it out loud, it will happen. Moi, j'ai parlé à beaucoup de gens anxieux qui pensaient que si ils allaient le dire à voix haute, ça allait arriver ce qu'ils craignaient. That is unbiblical. Et ça n'est pas biblique du tout. You can show me the scripture, I'll show you that it's wrong. Montrez-moi un verset, moi je vais vous dire que c'est faux. So if you feel like that, I want you to come speak to me. Donc si vraiment vous croyez ça, venez me voir à la fin pour en parler. God wants you to talk to him about your fears. Dieu veut que vous lui parliez de vos peurs. Because he knows that we feel them. Parce qu'il sait qu'on peut ressentir ça. Don't let them become a movie scene and create sin in your life. Ne laissez pas ces peurs devenir des scènes de film et tourner dans vos têtes. Sometimes that anxiety is so strong you need to make supplication, as Paul says. Et parfois ces anxiétés, ces peurs sont tellement fortes que Paul nous dit on doit faire des supplications. Those are the kind of prayers where you pleading with God. Et ça, c'est vraiment une forme de prière très très intense où on supplie Dieu. Parce que vous êtes tellement sans contrôle qu'il n'y a que lui qui peut prendre le contrôle. Prayer is this powerful, mysterious, unexplainable thing. La prière est vraiment quelque chose de, à la fois de mystérieux, de très puissant. Because you've got God who's in total control. Parce qu'il y a Dieu qui est en contrôle total. Who knows everything. Il sait toutes choses. He even knows what you're going to pray about. Il sait même de quoi vous allez prier. He's the beginning and the end. Le début et la fin. Yet he tells us to pray. Mais il nous demande quand même de prier. Because prayer releases his power. Parce que la prière libère son pouvoir. And can change situations. Et ça peut vraiment changer les situations. That is unbelievable. Ça c'est vraiment incroyable. It's powerful. C'est vraiment puissant. And what's also amazing, et ce qui est aussi incroyable, which I absolutely love, et ça j'adore ça, is when science proves that God is right. C'est quand la science prouve que Dieu a raison. That really excites me. Claudia laughs every time I say, science says. Et ça m'excite beaucoup, que j'aime beaucoup quand je dis, la science dit que. There is scientific proof that prayer is effective in dealing with anxiety. Il y a une preuve scientifique qui prouve que la prière aide par rapport à l'anxiété. I've been doing so much research on this. J'ai fait tellement de recherches là-dessus. They've studied many brains. Les scientifiques ont étudié vraiment de nombreux cerveaux. And scanned them. Et ils ont scanné les cerveaux. And the scans show that prayer shuts down the emotional part of the brain. Et donc les scans ont montré que la prière, en fait, quand elle est faite, elle désactive la partie émotionnelle du cerveau. And it activates the thinking, problem-solving part of the brain, the frontal lobe. Et ça active le lobe frontal ou préfrontal, qui est plutôt le siège de la pensée, de la réflexion logique. So when you pray, you're able to think logically. Donc quand vous priez, vous commencez à être capable de penser logiquement. And then, did you know the brain has 5 different brain waves? Est-ce que vous saviez que le cerveau génère différents types d'ondes cérébrales? From the weakest to the highest. Vous savez, des ondes qui font varier comme ça. And I told the teens this, the gamma brain waves are the highest brain waves you can experience. Et ça, je l'ai expliqué aux ados, les ondes gamma sont les ondes cérébrales les plus hautes qui existent. And this doesn't happen often. Et ça arrive pas souvent que le cerveau les génère. But the scans showed. Et les scans donc cérébraux ont montré. Over and over again. Plusieurs fois, vraiment. The cloud is laughing at me. That prayer activates gamma brain waves. Que la prière est efficace pour activer ces ondes gamma. The brain waves that are associated with the highest levels of thought and focus. Et ce sont les ondes qui sont associées au plus haut niveau de pensée, de focus du cerveau. And when you use and when you have gamma brain waves, you are happier. Science shows you are happier and more receptive. Et après ça, les études ont montré que quand ton cerveau génère des ondes gamma, après ça, tu es plus heureux, plus épanoui. So pray. Makes you happy, receptive, logical, and peaceful. Donc la prière te rend plus paisible, logique, réceptif et serein. And science proves it. Et la science le prouve. And they also found. Et ils ont trouvé également. That they scanned the brains after the day of prayer. En scannant les cerveaux le jour suivant après les temps de prière. And they found that the brain was healthier and stronger. Ils ont pu mesurer que le cerveau était en meilleure santé et plus fort. And that's the mystery of prayer. Ça, c'est le mystère de la prière. They can't explain it. Ils ne peuvent pas l'expliquer. So, prayer is life-giving. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose qui pourvoit, qui amène la vie. I think prayer is as important for you. Et moi, je crois que la prière, elle est aussi importante pour toi. As air. Oxygen, que l'air, l'oxygène, water, l'eau, and sleep. Et le sommeil. You can't survive without those things. Tu ne peux pas survivre sans toutes ces choses. How is your prayer life? Et qu'en est-il de ta vie de prière? And when you're anxious, do you pray? Et quand tu es anxieux, est-ce que tu pries? And when you pray, do you add thanksgiving to that? Et quand tu pries, est-ce que tu ajoutes aussi des actions de grâce? See, Paul says, your prayer must have thanksgiving with it. Parce que Paul le dit là dans ce passage, la prière doit aussi être complétée d'actions de grâce. Because thanksgiving focuses you on God. Parce que la reconnaissance te donne vraiment un focus sur Dieu. and remind you of who he is. Et te rappelle qui il est. And psychologists. Et les psychologues. They use gratitude therapy. Ils utilisent aussi des thérapies basées sur la gratitude. They make you think of something you're grateful for. Ils t'invitent à penser à quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. And then you expand on that one thing. Et donc tu développes vraiment sur cette idée-là. Until you become enveloped in gratitude and not the thing. Et ça t'amène vraiment dans une situation où tu es enveloppé de gratitude plus que de la chose pour laquelle tu es plein de gratitude. So as believers in Jesus, donc les croyants en Jésus, if we are grateful to God, si on est reconnaissant envers Dieu, and focus on him, et qu'on met vraiment un focus sur lui, we become enveloped in him. On devient enveloppé en lui. And what happens next, other than all these amazing things I've already told you? Et après tout ça que j'ai dit d'incroyable, qu'est-ce qui arrive après ça? This happens. Voilà ce qui arrive. Henri. Verse 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. C'est le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée, toute intelligence, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. All an anxious heart wants his peace. Tous les cœurs anxieux veulent la paix. And this is promised to us. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. When we pray. Quand on prie. It's a peace that cannot be explained. C'est une paix qui ne peut pas être expliquée. Not even by science. Même pas par la science. It guards your heart. Oh, sorry, your heart, yeah. It guards your heart. Ça vient dans le cœur. Ça garde. It guards. It, ça garde. Ça vient dans ton cœur. Ah, ça garde, sorry. Ça garde ton cœur. And it guards your mind. Et tes pensées. In Jesus. En Jésus. Because the Lord is near. Parce que le Seigneur est proche. And finally, et au final, and Paul says, finally, et Paul le dit, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Et donc Paul le dit, au reste, finalement, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Meditation. La méditation. This is thinking about things. Ça veut dire penser à des choses. Focusing on things. D'avoir le focus sur certaines choses. The world is obsessed with meditation. Et le monde est obsédé par la méditation. You have meditation centers, meditation therapy, meditation apps and guides. Il y a des centres pour méditer, des thérapies de méditation, des applications même. Why? Because God created us to meditate on him. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour méditer sur lui. It's to focus on one thing. C'est vraiment méditer, c'est être concentré sur une chose. So, if you focus or meditate on an anxious thought, donc si tu te concentres ou que tu médites sur une pensée anxieuse, it leads to all these bad things. Ça t'amène que à des choses mauvaises. But if you focus and meditate on God, mais si tu focuses, que tu te concentres sur Dieu, on what is true, noble, pure, righteous, ce qui est vrai, noble, pur, droit, then you find peace. Alors tu trouves la paix. And healing. Et la guérison. And health. Et la santé. And love. Et l'amour. And what Paul is saying is not positive thinking. Et ce que Paul dit là, c'est pas la pensée positive. I have no time for positive thinking. J'ai vraiment pas envie de penser positive. I hate it when people are like, be positive. Et j'aime pas ça quoi, quand on dit. When people say, be positive. Ah oui, quand les gens disent, mais sois positif. Positive thinking is just another movie. La pensée positive, c'est juste se donner un autre film. A happy movie scene. Et un film joyeux. It's Christ-focused thinking. C'est vraiment la pensée concentrée sur Christ. It's bringing our thoughts back to God. Et c'est ça, ça ramène toutes nos pensées à Dieu. To Jesus. À Jésus. Our lives to oui. Jesus. Et nos vies à Jésus. Our desires to Jesus. Nos désirs vers Jésus. Our knowledge to Jesus. Notre connaissance même vers Jésus. Our understanding to Jesus. Notre compréhension à Jésus. Our opinions to Jesus. Nos opinions même à Jésus. Our fears to Jesus. Et nos peurs à Jésus. Jesus is the life and the truth. Jésus est la vérité et la vie. You need to find Jesus in your thoughts, not positive thoughts. Jesus in your thoughts. Tu dois vraiment trouver et mettre Jésus dans tes pensées, pas la pensée positive. I just want to say this one thing about neuroscience. J'aimerais dire une dernière chose à propos des neurosciences. The study of the brain. Les études sur le cerveau. These doctors studied patients who prayed for 30 minutes to 3 hours. Les neuroscientifiques ont étudié des patients qui priaient entre 30 minutes et 3 heures par jour. So I don't know if this will have an effect on you if you don't pray for 30 minutes or more. Donc, je sais pas si ça aura des effets sur vous si vous priez moins de 30 minutes. And I won't ask. Je ne demanderai pas. But they discovered that the more time spent in prayer and meditation like this. Mais ils ont trouvé que plus on passe de temps dans la prière et la méditation comme cela. Like God-focused meditation. Vraiment la méditation concentrée sur Dieu. The brain started to change and transform for the better. Le cerveau se transforme et change d'une meilleure façon. It's called neuroplasticity. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. It improved so much that it started to improve the immune system. Et ça a même été prouvé que ça augmente l'efficacité du système immunitaire. And what does Romans say, the book of Romans? Et ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains? Be transformed by the renewing of your mind. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. That means to think like Jesus and not the world. Ça signifie penser comme Jésus et pas comme le monde. You're not transformed by positive thinking. Vous ne serez jamais transformé par la pensée positive. You're transformed by thinking like Jesus. Vous serez transformé en pensant comme Jésus pense. And that's a whole another preach on its own. Et ça, c'est complètement une prêche à part qu'on pourrait faire une autre fois. So, I started with a movie scene. Donc, j'ai démarré par une scène de film. That's not true. Qui n'est pas vrai. That made some of us go. Qui a rendu certains d'entre nous un peu nerveux. And now I want to end with reality TV. Et j'aimerais maintenant finir par de la télé-réalité. Yes. Ok. A scene that was filmed in real life. Quelque chose qui a été filmé dans la vraie vie. Real time. Une vraie vie. Ça a vraiment arrivé. Based on the truth. Basé sur la vérité. It's what Jesus preached to his disciples in Matthew 6. C'est ce que Jésus a prêché à ses disciples dans Matthieu 6. When he was calming their anxieties. Quand il les accompagnait à travers leur anxiété. And I want you to let it minister to you. Et je vous demande vraiment de regarder ça et de laisser ça parler à vos cœurs. Let it show you God's power. Que ça puisse vraiment laisser vous montrer le pouvoir de Dieu. Let it show you God's love for you. Et vous montrer l'amour de Dieu pour vous. And let it make you thankful. Et vous rendre reconnaissant pour ça. And then you leave here in awe of him. Et faire en sorte que vous puissiez laisser toutes vos peurs. Laissez toutes vos peurs. So let's watch it. The children will calm down because it's a... Donc, regardons ça, les enfants vont se calmer. These little fish are so abundant that they support the greatest fishery on our planet. Astonishingly, they can account for a tenth of all the fish we harvest from our oceans every year. Thank you. their share. You are great. Dieu, tu es grand. You are wonderful. Tu es merveilleux. Your creation shows how powerful you are. Et ta création nous montre à quel point tu es puissant. And how lucky are we that we got to see something like that. Et quelle est notre chance de pouvoir voir cela? You provide for all of our needs. Tu pourvois à tous nos besoins. You have plans and purposes for our lives. Tu as vraiment des plans et des objectifs pour chacune de nos vies. And you care for us. Et tu prends soin de nous. And you know the desires of our hearts. Et tu connais les désirs de nos cœurs. And we are your children and you've given us your son. Et tu as donné ton fils pour nous. Because you love us so much. Parce que tu nous aimes tellement. And I pray that this morning we will live this way. Et je prie que ce matin nous puissions vivre de cette façon. That we'll start to think about you, Jesus. Nous puissions vraiment penser d'abord à toi, Jésus. That we'll focus on you. Nous nous concentrer sur toi. That we'll think about what you want. Que nous puissions penser sur ce que toi tu veux. That we'll think about who you are. Nous puissions nous concentrer sur ce que tu es toi. And that we'll be able to be a people who live in this peace of God. Et être capable d'être ce peuple qui vit dans la vraie paix de Dieu. Without anxiety. Sans anxiété. And that the people in the world, et que les gens du monde, who are full of anxiety, qui sont pleins d'anxiété, will be able to see the peace of God, puissent être en mesure de voir la paix de Dieu, and say, why are you so peaceful? Et de nous dire, mais pourquoi vous êtes si tranquille? And then we can lead them to Jesus. Et que nous puissions les conduire à Jésus. I pray that we will be a people of prayer. Je prie que nous soyons un peuple de prière. Thank you for prayer. Merci pour la prière. It's such a wonderful thing that you have given to us. C'est une chose tellement incroyable que tu nous as donnée. And I pray that we will see that. Et je prie que nous puissions voir ça. And I pray that we will do it. Et je prie que nous le fassions. Let us be a people who pray. Fais de nous un peuple qui prie. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. And I just want to pray for every person who is anxious about many things. J'aimerais prier aussi pour toutes les personnes qui sont anxieuses avec quelque chose ce matin. That they will come to you. Qu'ils puissent venir à toi. In prayer, supplication, and thanksgiving. En faire des prières, des supplications, des actions de grâce. Holy Spirit, help them to do that. Saint-Esprit, aide-les à faire cela. And I pray that your peace that transcends all understanding. Et je prie pour que ta paix qui surpasse toute compréhension. Will guard their hearts and their minds in Christ Jesus. Vraiment garder leur cœur et leurs pensées en Jésus. Amen. Amen. Thank you both so much. Merci à tous beaucoup. Stay, have some tea, coffee. Vous pouvez rester, prendre un thé, un café. Speak to somebody about a home group. N'hésitez pas à aller parler à quelqu'un de votre groupe de maison. And maybe make some plans to get together this coming month. Et voyez comment vous pouvez vous retrouver pendant ce mois où l'église sera fermée. Have a great Sunday. Très bon dimanche à vous. Thank you. Merci.